pense qu'il te parlait. Chérie, je veux pas ton numéro, je ne veux que danser. Je suis venu avec des potes un peu fous et acharnés. Moi, tu sais, gros gamos, c'est pour te charmer. Chicha, chichon, si t'as envie de fumer. Y'a du monde dans les clubs, va falloir assumer. Je suis venu avec des potes un peu fous et acharnés. Moi, tu sais, gros gamos, c'est pour te charmer. Une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième sur ton crâne, la quatrième est dans ton fiac. Une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième est sur ton crâne, la quatrième est dans ton fiac. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des tables. Me prends pas si t'es époux. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des bouteilles. On se fait la guerre des tables. Me prends pas si t'es époux. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Non peut-être. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Jason X, Cooper, BR sont bien dans le vide. Si t'as pas l'Elias, Hugo, faut que tu prennes la fuite. J'attrape une tignasse ensuite, ma suite. J'aime pas les mecs speed, sous copri qui parle vite. Évitez les places de Clodo, je veux pas que ma team galère. Dans le club, c'est Kingston, aromatise ma cigarette. L'idée est vraiment belle, un peu comme le prix à carrette. Suis-moi sous les drogues, je vais te faire disparaître. Une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième sur ton crâne, la quatrième est dans ton fiac. Une bouteille de Jack, deux bouteilles de Jack. La troisième est sur ton crâne, la quatrième est dans ton fiac. On se fait la guerre des bouteilles.